est partie donc là plus sur et ben moi ma vie et du coup quels sont mes fondamentaux, donc rechercher un peu qu'est-ce qui me guide et quels sont mes objectifs. Lucie est animatrice formatrice à la FOG du Doubs. Donc en utilisant peut-être ce que vous connaissez déjà, l'histoire des gros cailloux, avec donc ce professeur qui propose à ses élèves une illustration de voilà ce qui est essentiel dans la vie, donc à partir d'un gros bocal qui, dans lequel il faudrait remplir tous ses objectifs en mettant bien sûr en premier les plus gros cailloux qui permettent en fait de pouvoir faire rentrer le reste. Parce que si on fait rentrer tout le reste avant les gros cailloux, ben, il n'y a plus de place pour les gros cailloux, quoi. Donc les gros cailloux, qui sont les fondamentaux? Et puis, est-ce que tu peux nous... Voilà. On prend notre plaisir, en fait, quand même, dans notre vie professionnelle. Et moi, mon gros caillou, c'est l'affaire Mauberge. Sandrine est adhérente de la FOG du Doubs. Elle a suivi la formation « Changer d'organisation, quelle implication pour mon budget ?» Pour elle, il s'agit avant tout de se faire plaisir et non pas de subir. Elle demande du travail, des fois on se dit on n'a jamais de week-end, mais mon fondamental c'est la ferme auberge, c'est de voir du monde, c'est de faire le plaisir, de donner à manger, de discuter, d'être ouvert sur le monde. Puisqu'en fait on n'est pas originaire du coin, donc sinon on aurait très peu de contact du fait de ne pas avoir d'enfants, voilà. Donc mon fondamental c'est quand même la ferme auberge, et en fait c'est tout ce qui gravite autour pour alimenter la ferme auberge. Voilà, si je fais des chèvres, c'est principalement pour... on avait choisi les chèvres parce qu'en fait, très bêtement, ça peut faire l'entrée du chèvre chaud, ça fait la viande et ça fait le fromage. Après, je me suis dit, je sais que je vais aimer les chèvres, donc je vais en faire. Mais au départ, c'était un peu un pari. Voilà, les volailles, bon, ça c'est moins rigolo, mais ça fait des repas quand même. Et puis les cochons, la charcuterie, il n'y a pas, mais quand c'est nos cochons, c'est quand même autre chose. Et voilà. Et si je fais de la bière, c'est que je vais pas chercher forcément à vendre à l'extérieur. Voilà, c'est pour faire plaisir. On va l'offrir, ça cause. Enfin, voilà. La phrase c'était se faire plaisir et pas subir. Donc regarde les gens, ça leur fait mal aux oreilles. Là c'est bon. Ils sont vieilles. Si le berger m'entendait, il me dirait oh, de quoi tu te mêles toi. Il y a eu beaucoup de changements sur la ferme parce que je me suis installée en 2007, donc où on produisait beaucoup de légumes. Donc je me suis installée en individuel, hein, donc avec mon conjoint esclave non déclaré. Marie est agricultrice dans le Jura. Elle aime prendre des risques dans son métier. Elle est accompagnée de Samuel, animateur, formateur à la FOG du Jura. Voilà, c'était lui, c'était pas moi, c'était... Ouais. Mais nous, de cœur, on est quand même plus producteurs de plantes. On a décidé d'arrêter le légume en 2014. Donc en fait, en production, donc on produit une quarantaine d'espèces de plantes différentes qu'on transforme en tisane pour... aujourd'hui, c'est 80% de nos débouchés, c'est de la tisane. Et on a notre atelier de distillation, on fait des spiritueux. Donc on fait de l'absinthe et des digestifs à base de plantes. Voilà. Ça, en général, ça intéresse plus que la tisane, souvent. Hein. Finalement, on s'est interrogé sur les valeurs qui me portent dans mon métier. Qu'est-ce qui me fait, j'allais dire, vibrer au quotidien et quelles valeurs m'animent, quoi. Pour ça, on a utilisé un jeu de cartes, quoi, qui est un jeu de cartes sur les valeurs qui nous portent. C'est 52 cartes, toutes simples. Donc on les avait toutes étalées sur la table et chacun choisissait. Il faut vite choisir parce qu'il n'y a qu'une carte qui reprend la valeur. Et en fait, notre collègue, il peut la prendre. Le titre du jeu, Valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Alors, autant vous dire que c'est pas facile de choisir que deux cartes au milieu des 52 parce qu'on a envie d'en choisir plein, ça c'est sûr. Mon choix, il s'est porté sur deux cartes, la carte audace et la carte plaisir. Je vous disais au départ qu'on fait des plantes médicinales et qu'on a un peu des extraterrestres dans le monde agricole, hein, qu'un peu partout, hein, peut-être que dans la Drôme où on est un peu, voilà, mais sinon... Nous, ça nous porte de faire des trucs bizarres que personne fait. Et c'est quelque part, c'est pour ça que j'ai mis audace, parce qu'il faut aussi oser un peu se lancer sur ces productions-là. Il faut trouver les débouchés, il y a tout à inventer, en fait. Mais en fait, tout est possible. Et du coup, on n'a pas vraiment de limite dans ce qu'on peut faire, dans les projets qu'on peut avoir. Donc, quand on a une thématique de formation, revisiter mon projet, mais moi, je revisite mon projet tout le temps, parce qu'on a toujours des nouvelles idées et qu'on n'est jamais sur des choses qui sont formatées, entre guillemets, où tout roule tout seul. Non, il n'y a rien qui roule tout seul. Il faut tout inventer, et donc c'est hyper enrichissant. Après, c'est aussi parce qu'on aime... On aime prendre un peu des risques, quoi. Et puis le plaisir, parce qu'on a fait le choix d'être là, on a fait... Oui, c'est... Quand tu n'auras plus de plaisir à faire ce qu'on fait, on le fera plus, on fera autre chose. Et donc, maintenant, on va accueillir la FOG Mayenne pour une formation qui s'intitule « Quelle stratégie mettre en place pour pérenniser son exploitation ?» Jean-Paul est éleveur laitier. Il nous parle de la force de faire partie d'un groupe à FOG depuis longtemps, auprès duquel il a trouvé un réel appui. Je me suis installé donc en 93, après avoir été biberonné par le milieu associatif auprès de mes parents agriculteurs. Moi, je rencontre la FOG dans les années 2000 et je commence déjà à y suivre des formations. Je fais ma compta, on parle de malheur, de nos bonheurs, mais aussi des temps où on se projette. C'est-à-dire que chacun parle de ses projets et il a le regard. Je rejoins Marie hier qui témoignait de la bienveillance de ses camarades. Je suis totalement dans cette lecture-là. C'est-à-dire qu'on arrive à parler librement et riche de ces 7 ans de recul, il y a un total respect. La base est tellement solide que le superflu n'a plus sa place. Fort du fait que mes parents et moi-même ayant connu des problèmes financiers, j'en arrivais à ne plus vouloir accepter des investissements qui pourraient me remettre dans la mouise. Et donc, j'ai réussi, grâce aux formations de la FOG, à dépasser ça. C'est-à-dire que, effectivement, d'avoir le regard conjoint de tes collègues qui te rassurent finalement, parce que quand il y a de la bienveillance, même si moi, je n'attendais pas d'eux qu'ils me donnent la solution, mais le fait de sentir que pour eux, c'était faisable. Et donc, c'est très fort, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, bah oui, c'est faisable, c'est possible, quoi.